Comment ça, Bolion? Tu veux que je t'apprenne à maîtriser? Pas de problème. Je vais t'apprendre tout ce que je sais. Et pour ça, il te suffira de lire ça. Oh, je vais tout tomber. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Voilà, mon sketch m'a fait tout faire tomber. On poursuit cette série-là sur les scènes ludiques. Et on va aborder en fait un sujet qui parle des scènes ludiques en général, qui va toutes les regrouper dans les ténèbres les lier. On va parler en fait d'un sujet en vérité hyper important. Je pense que ça va être une grosse vidéo qui va brasser beaucoup de concepts. Accroche-toi, je pense que ça va être chouette. On va parler du manuel de jeu invisible. Mais d'abord, petite pause technique puisque je vais ramasser mon matériel qui est tombé. Voilà. Ah, mon setup est un peu de la daube. Bon, alors. Alors, le manuel de jeu invisible, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, l'idée, c'est que il y aurait une grande partie des bonnes pratiques, des techniques, des savoir-faire, des savoir-être, et même des règles qui ne sont pas dans les bases, en fait, qui relèvent plutôt de la transmission mimétique, c'est-à-dire on va copier les autres sans que personne n'explicite vraiment sa pratique, hein. Ça peut aussi relever de la transmission orale, donc dans ces cas-là, il y a un enseignement, tu vois, un peu plus intentionnel. Je te renvoie évidemment au contenu sur la transmission orale que j'avais fait récemment. Tu vas aussi, en fait, trouver des infos sur les réseaux sociaux, sur la blogosphère, dans des vidéos, toutes ces infos, toutes ces façons de penser le jeu de rôle, en fait, vont concerner aussi bien MJ que joueur, quoi. C'est des infos à destination de MJ et joueur. Alors, on pourrait parler aussi de... Bon, c'est encore tombé. On pourrait parler évidemment aussi d'infos à destination des créateurs de jeux, des orgas, de conventions et tout. Mais bon, je vais mettre ça de côté parce que sinon, la vidéo va être vraiment extrêmement longue. Et donc, cet ensemble en fait de connaissances, d'opinions, d'enseignements, de prise de position sur c'est quoi le bien joué. Personne n'y a vraiment accès dans son entièreté, ce manuel de jeu invisible. C'est pour ça que on l'appelle comme ça, un manuel de jeu invisible. Alors j'ai essayé de tracer d'où vient cette expression. Moi, je me rappelle l'avoir vu traîner dans des contenus autour de l'OSR. Mes recherches n'ont pas abouti, donc j'ai pas, je suis désolé, j'ai pas retrouvé de paternité à cette expression. Manuel de jeu invisible. Si jamais toi ça te dit quelque chose, ben n'hésite pas en commentaire à me dire d'où ça vient. Exactement. Mais bon, je pense que ça fait partie du manuel de jeu invisible. D'où viennent les expressions, d'où viennent certaines mécaniques, qui les a inventées et tout. Voilà, ça en fait partie, je dirais. Et donc, le manuel de jeu invisible, il est très très dispersé, donc personne n'y a accès dans son entièreté. J'irais même que chaque rôliste a juste accès à une fraction infime du manuel de jeu invisible. Alors, j'en profite au passage pour remercier à nouveau Guillaume Rioux, qui m'a à nouveau assisté dans la rédaction de ce script, donc qui a apporté beaucoup d'idées. Et donc là, notamment, il y a une petite réflexion de sa part. Pour Guillaume, qui va être interprété par Boillon, histoire qu'on ne confonde pas mes propos et les siens. Les pratiques puissent souvent leur origine dans des bases, néanmoins, comme la règle d'or qui donne l'arbitrage suprême au MJ, voire lui donne une autorité supérieure aux règles elles-mêmes. On trouve ça par exemple dans Vampire la Mascarade, où c'est mis, il n'y a qu'une seule règle, il n'y a pas de règle. Ça peut sembler être critiquable. Pourquoi justement la majeure partie du savoir jouer en fait n'est pas accessible facilement, quoi. N'est pas. Je pense que. Donc, ça, on peut le critiquer, mais je pense qu'en fait, on n'en a pas le choix. C'est-à-dire que le manuel de jeu invisible, il est extrêmement vaste, et je pense qu'une base, elle peut difficilement couvrir toutes les situations, ou bien l'exhaustivité serait un peu trop complexe. Alors, on va parler en fait de deux types de compétences qui sont nécessaires quand on joue, veut pas, hein, désolé. Oui, c'est un jeu, mais il faut aussi des compétences. Voilà, ça reste un loisir cognitif, hein, le jeu de rôle. J'en suis désolé, mais c'est ainsi. D'ailleurs, il y aura une vidéo. Faut-il faire des efforts pour faire du jeu de rôle? Oui, on va parler de ça aussi. Enfin bon, tu sais que les enjeux cognitifs, la charge cognitive, tout ça, c'est quand même un sujet qui traverse beaucoup de mes contenus, hein. Et donc là, évidemment, on va beaucoup en parler. Bon, grosso modo, il y a deux types de compétences, de MJ, même de joueurs. Il y a les hard skills et les soft skills. Les hard skills, en fait, c'est des compétences qui réfèrent à quelque chose de concret. En fait, à des règles, hein, pour dire les choses beaucoup plus simplement, quoi. C'est-à-dire te rappeler que les épées font un D6 de dégâts, te rappeler que une figurine qui quitte une zone de mêlée peut se prendre une attaque d'opportunité, te rappeler par exemple, dans un jeu sans MJ, dans un jeu sans MJ en particulier, eh bien, quand c'est autour d'un, quand c'est à ton tour, tu as le contrôle sur le décor et les figurants, et ce contrôle, tu le cèdes une fois que tu arrêtes ton tour. Bon, ça, ce sont des hard skills. Et par définition, si tu veux, les hard skills, elles se doivent d'être dans la base, en fait. Alors, on pourrait, je pense, si j'étais taquin, je pourrais peut-être trouver des exemples de hard skills qui sont pas dans la base. Un exemple de hard skill qui est rare, en fait, qui est éludé dans beaucoup de bases, c'est il faut mettre en place la sécurité émotionnelle avec des, tu sais, genre, des trucs basiques, ligne et voile, carte X, voilà, hein. Eh ben, il y a énormément de jeux, y compris en 2026, qui ne mentionnent pas en fait cette règle. Et pourtant, aujourd'hui, en 2026, on peut se dire, bon, oui, on peut jouer sans ça, mais c'est quasiment, si tu veux, un must-go, quoi. Ou il y a même, si tu veux, en termes de hard skill, on pourrait dire, il y a peut-être certaines règles où on sait que qu'il faut pas, ça sert à rien de les utiliser, que c'est des choses qui doivent disparaître. Je dis n'importe quoi. On pourrait considérer, par exemple, que le jet d'initiative est quelque chose qui un artefact d'un temps passé qui apporte peu d'intérêt, et que donc si dans un bouquin il y a un jet d'initiative, on va le remplacer par quelque chose de beaucoup plus simple, tel que on définit genre initiative fixée par MJ, ou alors d'abord les PJ, ensuite les monstres, ou alors on prend les scores de dextérité de chacun. Tac, et ça fait l'initiative, c'est toujours la même initiative, voilà, on s'embête pas à refaire un jet et tout, pour un tout petit peu faire varier ça, quoi, et je perds beaucoup de temps sur des jets d'initiative qui servent à rien, quoi. Bon, bref. Et donc, il y a les soft skills. Les soft skills, c'est des choses, en fait, qui sont énormément de l'ordre du ressenti, presque aussi de la posture artistique, de l'ordre de l'arbitrage. De l'ordre de la gestion du rythme, voilà, des relations humaines, tout ça, de comprendre du storytelling. Et c'est des choses que, oui, on peut tenter de les mettre en conserve, mais c'est pas si simple, l'une, c'est pas si simple. Et de les mettre en conserve, les soft skills. Et de deux, en fait, j'ai tendance à penser que si on voulait écrire dans un livre à la fois les hard skills et les soft skills, en fait, les soft skills prendraient vraiment, vraiment beaucoup de place parce que ça regroupe vraiment beaucoup de choses très complexes. Et donc, c'est finalement moins coûteux de disperser ça eh bien dans la noosphère, quoi, en gros, hein. Alors, histoire de qu'on parle de choses un peu concrètes, je me suis amusé à... J'ai pris quelques bouquins et on va voir justement à quel point les bouquins essayent de mettre en place quand même, de mettre un peu les soft skills en conserve, quoi. Bon. Concrètement, on va beaucoup parler ici de conseils aux MJ, hein, dans les bases de jeux de rôle, parce que les conseils aux joueurs, mais alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très peu présent dans les bases de jeux de rôle, même en 2026. Ça existe, mais c'est assez rare. Alors, pour deux raisons, pour plusieurs raisons. Je dirais que il y a une culture qui reste encore assez dominante. Qui est que la liberté des joueurs est importante. Leur laisser une marge de manœuvre est important. Leur laisser une marge d'appropriation est important. Ne pas trop leur en demander également est important. Ce qui fait que, eh bien, y a très peu de jeux. Je pourrais même dire qu'il y a vraiment assez peu de jeux. Qui vont te le je crois que le finalement un des rares contre-exemples c'est là-dessus, c'est un de mes jeux, c'est Inforenza. Dans Inforenza, bon, c'est un jeu sans MJ et il y a quelque chose comme 200 pages de conseils, et ces conseils qui s'adressent aussi bien aux joueurs qu'à MJ, comme c'est un jeu, voilà, comme c'est un jeu sans MJ, enfin grosso modo. Mais sauf que là on a un autre écueil, si tu veux, c'est que bah, Inforenza, avec ses 200 pages de soft skills, notamment qui s'adressent en bonne partie aux joueurs, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont jamais jouer à Inforenza parce que, du coup, à cause de ça, le manuel fait 300 pages. Donc, il y a beaucoup de personnes, un manuel de 300 pages, ça les rebute. Donc, on laisse tomber. Il y a aussi beaucoup de situations où on a juste la personne qui facilite, en fait, qui va lire tous les conseils, et qui va en distiller quelques-uns durant la partie, mais certainement pas de mon... En fait, j'imagine que ça n'est jamais arrivé, ou très très rarement arrivé. Enfin, ça arrive très rarement qu'on ait une table d'Inforenza composée uniquement de personnes qui ont lu tout le livre. J'y crois pas. C'est marrant parce que... par contre, c'est pas mal plus vrai à Donjons et Dragons. Puisque, bon, déjà, à Donjons et Dragons, il y a le fameux... il y a le fameux guide du joueur. Donc, quelque part, on peut se dire, bah, il y a un peu de... Enfin, après, j'ai pas lu le guide du joueur de Donjons et Dragons. Oui, vous pouvez me jeter des cailloux. Je sais pas à quel point ça contient beaucoup de soft skills. J'imagine que la majorité de ce qu'il y a dans le guide du joueur, ce sont des hard skills. C'est comment créer ton personnage, les règles et tout, machin. Comment monter ton personnage, et ainsi de suite, quoi. Alors, j'ai pris Earthdawn. Donc là, on a un vieux jeu. On va regarder le sommaire. Et donc, j'ai trouvé principe de jeu. Alors, c'était pas ça, un principe. Conseil au maître de jeu. Alors, déjà, c'est assez drôle parce qu'il faut quand même attendre la page 232 pour avoir des conseils au maître de jeu. Donc là, on est typiquement dans le soft skill, hein. Et donc, grosso modo, ça va aller jusqu'à la page 245. Parce que après, bon, le chapitre conseil au maître de jeu continue un peu plus, mais après, c'est vraiment que de la hard skill. Donc, bon, voilà. Énorme pavasse. On a, allez, 13 pages, 13 pages de soft skill uniquement, bien sûr, pour MJ. Alors, je vais prendre un autre jeu. Alors, moi, avant, je faisais surtout Dungeon Crawler, et c'est avec ce livre, L'Appel de Cthulhu, édition 5.5, que je me suis mis à ce que les grandes personnes appellent du jeu de rôle. Et donc, je me rappelle, pour le coup, on peut considérer que je me suis auto-formé à la maîtrise avec ce jeu. Et il y avait un chapitre de conseil OMJ que je trouvais assez bien. Secret du gardien. Alors, on a une section secret du gardien, donc ça, je pense que c'est un peu soft kill, ça va de 121 à 135. Bon, ça fait que 14 pages en vrai, hein. 14 pages, tout le reste, c'est du hard skill, de la scène, du scénario et compagnie, quoi. Alors, on pourrait se dire que. Alors, je vais prendre un jeu de rôle tradit, mais tout récent. Voilà, Backlash. Donc, Backlash. On va dire, est-ce qu'en 2026, on fait mieux? Ah, on fait mieux. Je t'ai expliqué pourquoi on fait pas mieux, en fait, hein. Donc, je m'attends pas à être surpris. Tout, tout, tout. Création de personnages. Écoute, je t'en dirai plus le jour où j'aurai fini de lire le bouquin, mais si je regarde, eh bien là. Si je regarde le sommaire de Backlash, voilà, qui est quand même déjà une bonne grosse pavasse, quoi, eh bien, il y a juste zéro page de conseil OMJ. Donc, je pense qu'on est sur un jeu. Bon, après, la particularité de ce jeu en mode éditorial, c'est qu'il se trouve sur Lulu. Donc, cette auto-édition, généralement, les bouquins en auto-édition, ils s'adressent en fait aux hardcore gamers. Et donc, il y a souvent ce truc de on va pas faire une définition du jeu de rôle, on va pas faire des conseils à MJ, tout ça. Parce que si vous êtes allé me chercher dans le fond du fond de lulu.com, c'est que de toute façon, vous connaissez déjà tout ça. Vous faites déjà partie de la niche. Donc, c'est pas la peine que je vous bassine avec des conseils OMJ que vous avez potentiellement lus ailleurs, voilà. Donc, faut que vous compreniez que je suis pas en train de critiquer l'absence de. Je suis pas en train de critiquer le fait qu'il y ait peu de soft skills. Je pense que ça s'explique très très bien, en fait, hein. Alors ouais, j'avais pris le DK2, alors c'est pareil, soft skill, il n'y avait vraiment rien du tout, c'était très léger, je crois qu'il y avait une ou deux pages, quoi, hein, dans le DK2, sur comment on maîtrise une partie de jeu de rôle, quoi. On s'enquiquine pas voilà, il y a une page, une demi-page, qu'est-ce que jeu de rôle, et puis une page ou deux, conseil OMJ, quoi, avec le traditionnel. Bon, mais de toute façon, oui, alors il y a des règles, mais bon, vous faites un peu votre tambouille, quoi. Alors, Marchebranche de ma modeste pomme est quand même un livre qui a pris le pari d'essayer de transmettre du soft skill beaucoup, notamment parce que ça s'inscrit dans l'OSR. D'une, j'estime que dans l'OSR, vraiment, la part soft skill, elle est importante. Et également, c'est pas n'importe quel OSR, c'est mon jeu, je pense qu'il a beaucoup de particularités. Donc, en fait, il a beau être OSR, il n'utilise pas les règles de base de l'OSR, il utilise des autres règles. Et donc, bah, j'estimais qu'il y avait besoin d'expliquer quand même pas mal de soft skills. Et donc, si je regarde la table des matières. Qui dit quoi? Lieu, figurant, enquête, péripétie. Oh, ça, c'est quand même un peu du hard skill. Passer un niveau. Le génie de l'attablé, jouer pour prendre soin, ça fait deux pages, ça. Eh ben, tu sais quoi? Ouais, si. Je pense qu'il y a beaucoup de soft skills dans le chapitre lancer le dé. Allez, bon, honnêtement, c'est. Mine de rien, c'est quand même pas mal de. Bah, c'est. Il y a du soft skill, mais c'est persillé entre des paragraphes, des points de règle. Oui, il y a cette règle-là, mais vous pouvez un peu la gérer à votre sauce et tout. Donc, allez, on va dire 10 pages de soft skill. C'est pas plus que ça, en fait. Je pensais que j'allais déjà être impressionné, mais non. On est loin des 200 pages d'Inforenza. Puis après, ça se trouve, je vais regarder une fois et deux, je vais dire, ah non, il n'y a pas 200 pages, il y a 50 pages. Peut-être que j'exagère aussi le nombre de conseils qu'il y a dans Inforenza. Je sais qu'il y en avait beaucoup, mais voilà. Il y a quand même, j'ai quand même trouvé un jeu où la part de soft skill est assez impressionnante. Il s'agit de Sombre. Parce que, bon, certes, il y a des règles dans Sombre, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est très minimaliste dans les règles. Et donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de conseils où Joan Cipion, donc l'auteur de Sombre, bah, nous explique comment il mène sa table, comment il gère la tension, tout ça, comment ils se débrouillent si un personnage ou un PNJ meurt, et ainsi de suite. Et voilà, on est beaucoup sur quelque chose, des conseils très fluides, qui requièrent plus du savoir jouer que de la règle, quoi. Alors, Guillaume Rioux nous a trouvé une vieille revue de Dragon Magazine de 1981, numéro 49, page 80, où il nous explique: Greenwood indique que la délégation de la résolution à un arbitre, qui estimerait logiquement ce qui doit se passer, est un questionnement du wargame à l'origine du JDR. Ou alors, c'est vrai que cet article, bon, il reprend un truc qui a été écrit, bon, là on a pris Dragon Magazine, mais c'est mentionné dans plein d'autres sources, hein. Que grosso modo, déjà à l'époque du wargame, on se pose la question de, en fait, si on se base trop sur du hard skill, le jeu devient extrêmement compliqué. Et puis quelque part aussi, eh bien, si on perd aussi, je pense aussi du point de vue des joueurs, on perd une dimension de l'expérience de jeu et de l'apprentissage. Si on travaille uniquement sur les hard skills et sur ce qu'on appelle la mastery, c'est-à-dire on connaît bien les hard skills, on sait les exploiter de façon tactique, et du coup, ça devient uniquement un jeu mathématique. Et donc l'idée de réintroduire, si tu veux, de la soft skill, ça permet, côté joueur, eh bien, de faire intervenir des compétences un peu plus douces, telles que la diplomatie, telles que tout simplement se référer à ce qu'on connaît entre guillemets, de la science des batailles, plutôt que se référer aux règles, se dire, bon, bah là, s'il y a du brouillard, on sent qu'on va avoir des problèmes, tout ça, machin. Si on arrive à acculer nos adversaires dans un marais, c'est plutôt à notre avantage, ainsi de suite, quoi. Et ça, c'est des choses que, en fait, je dis pas qu'on peut pas les faire avec des hard skills, mais ça relève beaucoup plus d'un truc vraiment mathématique, tandis que là, c'est plutôt une connaissance un peu plus immersive. Et puis, bon, bah, grosso modo, il y a cette idée de... Ouais, voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment dans le Kriegspiel, on se dit, on peut pas former de bons stratèges si on les apprend juste à faire des maths, quoi. Et donc, il y a cette idée qu'on a viré une bonne partie des règles, en tout cas, on les a déléguées à un arbitre, une tierce personne, qui s'occupait à la fois des règles, mais aussi s'assurait qu'il y avait une part de mollesse, en fait, là-dedans, pour que l'expérience soit, je pense, un peu plus complète, aussi, bien sûr, un peu plus fluide, hein. La fluidité est aussi une raison pour laquelle on a commencé à simplifier les wargames, à les passer un peu en freeform. Alors, bon, je t'avais prévenu qu'elle serait longue. Bon, si vraiment c'est trop long, je couperai. Je couperai, on fera deux vidéos. J'espère que non, mais il y a des chances. Alors, grosso modo, mais qu'est-ce qu'il y a dans le manuel de jeu de rôle invisible au global? Bah, beaucoup, beaucoup de choses. Mais notamment, ça va inclure. On va d'abord parler des fondamentaux. Quels sont les fondamentaux qu'on va trouver dans ce manuel de jeu de rôle invisible? Eh bien, on va avoir des fondamentaux sans lesquels il serait peut-être impossible de jouer. Par exemple, on a ce que Jérôme Larré appelle le système zéro. Le système zéro, Jérôme Larré, il va le définir comme le tronc commun minimal des rôlistes. En fait, il y a une phase de contextualisation. Bon, bah écoutez, les gens, on va jouer à Backlash. Voilà, donc ça se passe à Londres. Ça se passe à Londres, vous jouez une espèce d'agence secrète militarisée, et votre but, c'est d'éradiquer les menaces surnaturelles et tout ce qui relève de la magie en général, parce que la magie, ça craint. Voilà. Et bon. Ça se trouve, je contextualise mal parce que j'ai pas fini de lire Backlash, mais bon, c'est à peu près comme ça que je sens le truc. Donc là, contextualisation, et il y a une boucle MJ-PJ, enfin c'est grosso modo, MJ te brosse une scène, les PJ réagissent, MJ bah, dit comment le monde réagit aux PJ, et puis tac, tout le monde réagit aux réactions des autres, quoi, en gros, quoi. Il y a aussi dans le système zéro la notion de endgame, c'est-à-dire bah, quand est-ce que le jeu s'arrête, s'arrête quand le scénario est fini, quand c'est l'heure du dernier métro, enfin voilà, c'est quoi les conditions de fin, et également les conditions de victoire, C'est-à-dire justifie que les personnages ont réussi, qu'ils gagnent des points d'expérience, tout ça, machin. Enfin voilà, en fait, qu'est-ce qui fait que, d'une certaine façon, un jeu de rôle est un jeu? Donc voilà, quelles sont les conditions de victoire? Donc typiquement, ça va être tuer tel boss, sauver le prince qui a été kidnappé, enfin ça dépend évidemment de plein de choses. Donc Guillaume Rioux a un petit mot à dire sur le sujet du système zéro. Eh bien, ça ressemble aux fondamentaux de Colas Duflot. Colas Duflot, il définit le principe de légalité, donc des libertés dans une légalité, quoi. Et ça s'applique à tout jeu, en fait. Donc un jeu a un début, d'après Colas Duflot, donc le setting, la contextualisation. Un jeu a une fin, donc les fameuses conditions de victoire, ou tout simplement, bah, les joueurs arrêtent de jouer. Et cette fin, elle constitue la clôture ludique. Et puis, donc ça un peu, c'est les légalités. Et à l'intérieur de ces légalités, on a les libertés, c'est-à-dire ce que les joueuses et le MJ ont droit de faire. Donc ça se rapproche un peu de la boucle MJ-PJ. Voilà, donc Colas Duflot, c'est génial, et c'est pas assez cité en jeu de rôle. Alors, la cellule avait fait des contenus sur Colas Duflot. Voilà, je me rappelle plus parce que c'est un peu vieux, mais bon, je préfère, j'en profite pour citer ça. Alors, moi j'ai quelques remarques aussi à faire sur le système zéro. C'est que on voit quand même que ce système zéro, il exclut des pratiques qui existent pourtant bel et bien. Il exclut notamment les jeux sans MJ. On parle de conditions de victoire, bon. Quid de quand on joue juste pour s'amuser ou du play to lose, enfin voilà, en fait, cette idée de gagner le scénario n'est pas forcément présente dans toutes nos pratiques de JDR. Mais en fait, faut savoir que le système zéro, ça reste une notion datée, j'ai plus la date de l'article, mais ça a au moins 10 ans comme notion, quoi. Et puis, on est aussi, on est aussi obligé de constater que culturellement, que ce soit le jeu sans MJ ou le jeu sans condition de victoire, ce ne sont pas le mode par défaut. C'est-à-dire le système zéro, il n'a pas d'autre vocation que de définir une sorte de socle commun, mais mainstream, quoi. Hein, c'est-à-dire que, évidemment, je pense que même à l'époque où Jérôme Larrey propose le système zéro, il est certainement conscient que ça recouvre pas absolument toutes les façons de jouer. Mais que bon, ça va englober quand même vraiment le mainstream globalement. Là-dessus, il a raison. Alors, mode par défaut, en fait, je suis un peu rebelle, mais je dirais que le jeu avec MJ, oui, là, ça fait 50 ans que c'est le mode par défaut. Mais je pense que ça n'a pas toujours été le mode par défaut. Je pense que des formes sans MJ ont été plus largement prédominantes. Dans le passé, quoi, avant l'apparition du jeu de rôle, on va dire, gygaxien, quoi. Alors, Guillaume Rioux a une petite intervention. Faut ajouter à ce modèle, hein, donc le fameux système zéro, faut ajouter la détermination des liens d'autorité. Qui a les droits sur la fiction? Dans le jeu de rôle classique, les joueuses ont autorité sur les sentiments, pensées, actions de leurs personnages. Tandis que le MJ contrôle les PNJ et l'environnement. Mais des modèles alternatifs ont émergé assez tôt, comme Ars Magica. Plusieurs joueuses peuvent contrôler un même PNJ alternativement. Et il y a aussi des exemples plus récents, comme le Cabinet des Murmures, où chaque joueuse contrôle un des esprits habitant un corps unique. Oui, donc en fait, il y a un seul corps, du coup, ça fait qu'il y a un seul personnage pour toutes les joueuses, quoi, vous avez compris. Moi, j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est parce que hey, je suis un lapin crétin. Voilà, donc c'est. Et donc, tout ça, c'est un des aspects que nous avons montré dans notre conférence au colloque Érudits et Dragons, donc là, entre guillemets, les questionnements de base sur ce qui constitue une partie ou un jeu, et on va dire les divergences par rapport au socle commun qui existe depuis un certain temps. Donc, voilà, après, moi je me répète, hein, mais grosso modo, il y a des modèles alternatifs, on en a même assez tôt, enfin, il y a plein plein d'exemples, je sais pas, Prince Vaillant, par exemple, où il y a deux MJ. Mais en fait, l'émergence de modèles alternatifs, même précoces, ne va pas fragiliser la notion de consensus global. À nouveau, ces idées de système zéro, c'est vraiment quelque chose qui s'applique au mainstream. Après, bon, il est vrai que le système zéro parle pas du partage de l'autorité. On pourrait faire effectivement leur ajouter cette idée, bon voilà, le MJ contrôle les joueuses et les personnages. Par contre, je vérifie, ça se trouve, c'est écrit noir sur blanc en système zéro. Mais bon, cette idée que le MJ contrôle le décor, les figurants, les joueuses contrôlent leurs personnages, c'est vrai que ça fait vraiment partie du socle commun, quoi. C'est le truc de base. Et les répartitions autres, eh ben, c'est des répartitions dissidentes, alternatives, quoi. Partie suivante. Ces esprits, par mon art si puissant, je les ai mis sous clé. Mais cet art même, c'est lui qui m'a perdu. William Shakespeare, La Tempête, acte 1, scène 2. Je vais aller boire, sinon je vais mourir. Je reviens. Donc en fait, j'ai expliqué que le manuel de jeu invisible, là, il est extrêmement dispersé, extrêmement vaste, il n'est absolument pas englobable par une personne unique, absorbable par une personne unique. Et donc on peut dire que chaque table a son propre manuel de jeu invisible, qui est plus étoffé que système zéro, quoi. Ça va beaucoup plus loin que les petites, voilà, les petits prérequis que je t'ai cités tout à l'heure. Et ce manuel de jeu invisible propre à la tablée, il n'est pas forcément explicité, hein. Ou alors, quand on joue, il y a quelques aphorismes qui vont sortir. Quelqu'un va dire MJ a toujours raison, quelqu'un d'autre va dire ta gueule, c'est magique. Voilà, bon, pour donner des exemples un peu tradis, quoi, hein. Alors après, ces aphorismes, d'après bon, Guillaume nous rappelle que ces aphorismes, notamment MJ a toujours raison, ça peut se retrouver dans des bases. Mais en fait, à mes yeux, ça fait que entériner, et je pense qu'on va en parler pas mal aussi, entériner les allers-retours entre base et manuel de jeu invisible. C'est-à-dire que dans le manuel de jeu invisible, on va avoir des trucs qui ont été extraits de base. Je sais pas, la fameuse règle d'or, quoi. C'est des choses que peut-être au départ on a trouvées plutôt dans des bases. Que ce soit dans Advanced Dungeons and Dragons, il y a une version de la règle d'or. Que ce soit dans Vampire la Mascarade, il y a une autre version. C'est pas, non pas exactement les mêmes finalités. Et après, ça a percolé dans le manuel de jeu invisible. Voilà, il y a plein de choses. Je sais pas, moi. Je peux me tromper, mais par exemple, la notion de. Un échec ne doit jamais bloquer la partie. Ça, pour moi, au départ, c'est la première fois que j'en entends parler, c'est dans un jeu, c'est dans Lady Blackbird, où en fait, grosso modo, c'est une règle, c'est-à-dire que quand on jette les dés, c'est limite, c'est pas pour savoir si le personnage réussit ou échoue, mais si, grosso modo, il y a des rebondissements, quoi, enfin voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va intégrer le manuel de jeu invisible. Alors après, je pense avoir déjà dit, mais je vais quand même le répéter, c'est important. On va le dire plus tard. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis cette notion-là dans les scènes, dans la série sur les scènes ludiques. C'est que, évidemment, une idée du manuel de jeu invisible, elle est souvent valable pour une scène et pas valable pour d'autres scènes. Cette idée, par exemple, un échec ne doit pas bloquer la partie ou ne doit pas ridiculiser le personnage et tout. Eh bien, en fait, c'est une règle invisible, en gros, hein, un soft skill invisible, qui va surtout circuler dans les scènes du jeu de rôle épique. Évidemment, si on veut raconter une histoire pleine d'épicness, on n'a pas envie que le personnage se prenne les pieds dans le tapis au premier fumble, quoi. Et donc voilà, cette règle, elle va circuler dans ces milieux-là, quoi. Tandis que, évidemment, en jeu de rôle d'horreur, c'est plutôt une règle qu'on aura tendance à, au contraire, ne pas appliquer, quoi. Dans le jeu de rôle d'horreur, même si, bon, y a des discussions, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais pourquoi dans l'appel de Cthulhu, je peux mourir en descendant des escaliers? Donc, même dans le jeu de rôle d'horreur, on peut l'appliquer, mais à nouveau, ça s'applique pas de la même façon, quoi. On peut quand même, en jeu de rôle d'horreur, mourir ou échouer le scénario, sur un mauvais jet de dés et tout. C'est juste qu'effectivement, il y a peut-être des situations, peut-être pas vraiment des GD pour faire des choses, pour... effectivement, si le MJ demande un GD pour dire est-ce que tu es capable de monter les escaliers, eh bien en fait, c'est pas bien dans l'ambiance, tu vois. Et donc effectivement, on va pas le faire. mais c'est loin d'être un principe aussi généralisé que dans le jeu de rôle épique, où vraiment l'idée, il faudrait que les personnages, ils échouent jamais, ou en tout cas que chaque échec soit récompensé par une révélation, ne mette pas le personnage en ridicule, c'est-à-dire si le personnage, il échoue à rattraper le méchant, ça montre juste que le méchant est quand même particulièrement... particulièrement badass et tout, mais en même temps c'est obligé qu'il laisse tomber un indice, tu vois, donc on bloque pas, il n'y a jamais de scène morte qui doit te laisser sur une sensation totale d'échec, on est toujours sur keep the story moving, quoi, voilà. Donc c'était un très long exemple. On doit aussi constater une transmission asymétrique en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on a les MJ ou les facilitaires qui vont lire les bases, et de l'autre, on a les joueurs qui vont pas lire les bases. Enfin, à de rares exceptions près. Et donc, du coup, il y aura une transmission un peu orale de MJ vers les joueurs. Une transmission qui est forcément, si tu veux, imparfaite. Enfin, c'est-à-dire qu'on va pas transmettre, le MJ transmet rarement toutes les règles, et puis en plus, par contre, il va rajouter des bouts de manuels invisibles qui sont pas dans les règles, mais qui va quand même transmettre aux joueurs, quoi. Et le cas extrême, dans le fameux article de Dragon Magazine qu'on a cité tout à l'heure, il y a un peu un cas extrême où en fait, l'article il prend surtout une position de dire non, non, mais même les règles, les hard skills, enfin. Ça sert, enfin, en fait, il est un peu dans cette idée, non mais les joueurs ne devraient pas lire le manuel du joueur de D&D. Si on joue à D&D, les joueurs n'ont pas à connaître les règles, parce que ça nuit à l'immersion, à la fluidité, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, bah en fait, du coup, ça devient Donjons et Dragons devient un jeu mathématique, c'est pas ce qu'on veut, on veut que ça reste un jeu de stratégie, de réflexion, quoi. Et donc, par conséquent, MJ ne va pas expliquer les règles aux joueurs. Éventuellement, peut-être même les feux de personnage seront du côté MJ. Donc, c'est ce qu'on appelle le black box gaming. Et donc, MJ, en fait, transforme la plupart des règles en langage naturel, quoi. Donc, on ne dit pas, t'as perdu 15 points de vie, mais... là, si tu vas pas voir un médecin très très rapidement, eh bien, commence à rédiger ton testament, quoi. Voilà. Donc, on a aussi la question, ce qu'on appelle les prérequis langagiers, c'est-à-dire que, notamment d'après des théories, des gens comme Valentin T. Oh, mais en fait, le problème du jeu de rôle, c'est que alors, pour déjà commencer à y jouer, il y a en fait toute une science de la conversation, du langage, qu'il faut extrême, de la visualisation aussi par le langage, transformer le théâtre de l'esprit en image mentale et tout, ainsi de suite. Il faut avoir une mémoire de travail importante. Bon, bref, ça fait beaucoup de choses qui font qu'en fait il y a des prérequis langagiers. Qui sont importants pour faire une partie jeu de rôle et qu'on pourrait dire que ça fait partie du manuel de jeu invisible parce que c'est y a aucun enfin pour le coup il y a aucun manuel de jeu qui t'explique bon bah alors écoutez la langue française comment ça marche. Et donc il y a un podcast de la cellule sur le sujet donc je t'y renverrai. Et il y a aussi des prérequis culturels, ça c'est notamment la proposition d'Olivier Caïra dans Les Forges de la Fiction. Olivier Caïra nous explique que d'après lui, si tu veux, si le jeu de rôle, gigaxien, hein, si le jeu de rôle apparaît dans les années 70 avec Donjons et Dragons et se répand, il y a plein de, très rapidement, il y a plein de titres, dès 75, il y a un nouveau titre, Tunnel et Troll, puis ainsi, ça va continuer comme ça dans la première décennie après Donjons et Dragons, il va y avoir quand même beaucoup de titres qui vont apparaître. Pourquoi ça apparaît à ce moment-là, en fait, et à cet endroit-là, c'est-à-dire aux États-Unis, on va dire, les milieux étudiants, post-étudiants, eh bien, c'est parce qu'il y a, à ce moment-là, Il y a un socle culturel commun qui est établi, notamment autour de la science-fiction, de la fantasy, mais aussi des maths, hein, en gros, et qu'il y a des moyens de communication qui commencent à être fluides entre les communautés, ainsi de suite, et que c'est ce socle culturel commun qui permet en fait à la culture Donjons et Dragons, puis ensuite aux autres jeux de rôle, de prendre leur hégémonie, quoi, et d'être compris et joué par un maximum de personnes. Alors Guillaume Rioux a des petites un petit commentaire là-dessus. On peut s'interroger sur les prérequis langagiers et culturels, ils sont nécessaires, mais ils n'expliquent pas tout, car il y a toujours eu des références culturelles partagées au sein d'une communauté, sans pour autant qu'il y ait de JDR. En soi, le média aurait pu naître beaucoup plus tôt si on s'en tient seulement à ces deux critères, langagier et culturel. Alors, moi je réponds à Guillaume, enfin, tout le monde se répond, c'est le bordel. Bah en fait, ce consensus rôliste, tel que défini par Kaira, je pense qu'il décrit les conditions d'apparition de notre consensus rôliste gigaxien. Il y aurait pu y en avoir d'autres. Et on peut même considérer qu'il y en a eu d'autres. Par exemple, il y a eu le faire comme si, il y a eu la murder party, il y a eu le psychodrame. Donc, en fait, oui, il faut un socle langagier, un socle culturel commun pour pouvoir pratiquer le jeu de rôle, mais ces socles, ils ont déjà existé avant, sous d'autres formes, avec d'autres références, quoi. Il est évident que, apparemment, les références culturelles de la murder party, telle qu'elle apparaît en fait dans l'entre-deux-guerres, c'est pas du tout les mêmes références culturelles que le jeu de rôle gigaxien. On est plutôt sur les références du polar, donc d'histoire de Conan Doyle, d'Agatha Christie et compagnie, que effectivement sur la science-fiction et la fantasy, qui, même si elles existaient déjà à l'époque, n'étaient pas. Voilà, c'est pas de là qu'est apparu le jeu de rôle de l'entre-deux-guerres. Le jeu de rôle de l'entre-deux-guerres, il est parti du polar, quoi. Alors, ce manuel de jeu invisible, il recouvre potentiellement une masse de savoir-faire qui est énorme et, comme j'ai un peu expliqué, potentiellement contradictoire, puisqu'il y a des conseils qui sont valables pour une scène et qui sont quasiment des anti-conseils pour d'autres scènes, quoi. Donc, comme j'ai dit, en fait, il y a un manuel de jeu invisible par scène, il y a un manuel de jeu invisible pour le tradit. Le tradit, c'est tellement vaste que on aurait peut-être plusieurs manuels pour le tradit. Il y a un manuel de jeu invisible pour l'OSR, un pour le jeu sans MJ, etc., quoi. Alors, j'en profite au passage, c'est un peu sur le côté, mais je pense que c'est lié à toutes ces notions-là, pour établir ce que j'appelle la loi d'exhaustivité du jeu de rôle. Je sais pas si tu connais la règle 34. La règle 34, c'est une règle d'Internet qui a été établie sur 4chan, bien sûr, qui dit que, quel que soit le contenu qu'on puisse trouver sur Internet, enfin, quel que soit le contenu que tu puisses imaginer, il y en a une version porno sur Internet quelque part, quoi. Sans exception, hein, ça, c'est ce que dit la règle 34, c'est une sans exception. Donc, bon, la loi d'exhaustivité du jeu de rôle, c'est comment, quand je l'appelle, qu'est-ce que je dis? C'est, quelle que soit la façon de jouer, aussi exotique paraisse-t-elle, il y a un contenu sur Internet qui la propose, sans exception. Ce contenu peut d'ailleurs même être ancien, voire daté d'avant Internet, et même d'avant 1974. Moi, je t'ai donné quelques exemples un peu exotiques, voilà, qui datent d'avant Internet, Prince Valiant, par exemple, Farce Magica, et même d'avant 1974. Ah ouais, un petit commentaire de Guillaume Rioux sur la loi d'exhaustivité. Je ne crois pas à la fin de l'histoire de Fukuyama, ni à la fin de la science qui a été annoncée au XXe siècle. Alors, ça c'est un commentaire de moi. Alors, du coup, je me suis demandé, c'était quoi la fin de la science? Au début du 19e, il y a Kelvin, donc un scientifique, qui dit, bon, bah, c'est bon, maintenant, les lois de la physique, c'est connu, c'est maîtrisé. On va plus rien apprendre. Maintenant, on va juste raffiné à l'intérieur de ça, quoi. Évidemment, juste après, il se prend la mécanique quantique qui apparaît dans les dents et tout. À peine il a dit ça que vraiment, la science lui a donné tort. Fin du XXe siècle, il y a un scientifique qui s'appelle John Organ qui va sortir un bouquin qui s'appelle The End of Science et qui dit un peu la même chose, quoi. Il dit, Bon, là, honnêtement, je pense que les lois de la physique, c'est bon, c'est maîtrisé. Enfin, les lois de la physique, enfin, on a les fondamentaux, même en biologie et compagnie, tout ça, machin. Toutes les découvertes vraiment importantes, elles ont été faites. Maintenant, on va juste raffiner à l'intérieur de ces paradigmes. Bon. Il y a de fortes raisons, enfin, je pense que les 25 premières années du 21e siècle ont également donné tort à John Organ. Il y a quand même eu, enfin, je ne saurais pas te citer exactement, mais je pense qu'en science, il y a quand même eu quelques paradigmes un peu fous qui sont tombés encore, quoi. Donc, voilà, des choses qui ont été unifiées, qui n'étaient pas encore unifiées, et ainsi de suite. Donc, oui, c'est vrai. En fait, je suis d'accord avec Guillaume. C'est-à-dire que, oui, le jeu de rôle va continuer à évoluer. Je pense que les prochaines années vont être dingues. Mais en même temps, quand tu fouilles Internet un tout petit peu, bah, tu découvres vraiment des dingueries. Je sais pas, je pense par exemple que c'était un peu la mode là, récemment, le shifting, le fait, c'est ces ados, en fait, qui. C'est une forme de jeu de rôle solo, en gros, mais c'est des personnes qui connaissent pas du tout le jeu de rôle solo, ni même le jeu de rôle, hein, qui, grosso modo, vont s'allonger dans leur lit et vont rêver qu'elles sont un personnage, une sorte de rêve lucide contrôlé, quoi. Voilà, bon, enfin, c'est une façon de te dire que là, ça fait. Ça, on est sur 50 ans de jeu de rôle gigaxien et bien sûr alternatif, plus tout ce qu'il y a eu avant. Et en fait, l'offre, elle est déjà extrêmement pléthorique. Et ça veut dire que assez souvent, je vais entendre des dire, ouais, mais telle façon de jouer, ça n'existe pas et tout. Et si tu fouilles Internet, tu finis par trouver quelque chose qui s'en rapproche. Par exemple, du coup, je m'étais un peu, du coup, j'avais fait des petites recherches pour voir un peu des façons de jouer un peu chelou. Et j'en ai trouvé une qui était rigolote. C'est un jeu qui s'appelle Throwing Dice, qui est sorti bah, dans les années 90. Et en fait, l'idée, c'est que dans Throwing Dice, il n'y a pas de feuille de personnage. On s'emmerde pas avec ça. Et donc, en fait, tu as juste des dés. C'est un jeu de rôle, c'est un tube avec des dés dedans. Alors, je pense qu'il y a un petit livret quand même de règles, vite fait, quoi. Et bah, les dés. En fait, ton personnage, t'as juste un pool de dés, quoi, qui vont permettre de gérer ton personnage comme ça. J'imagine que pareil, côté MJ, tout gère par un pool de dés, l'histoire, la résolution, tout ça, machin. Et voilà, on trouve quasiment de tout temps des façons de jouer assez exotiques, assez marrantes et tout. Et ça, c'est pas mal en fait. C'est-à-dire que je trouve que notre époque, elle est doublement vivifiante et inspirante. C'est qu'on se dit, bah là, en 2026, c'est bon, on invente des façons de jouer dans tous les sens, à part à balles, tous azimuts et tout. Enfin, chaque mois, il y a des dingueries qui sortent. Donc, on est vraiment sur une ère exploratoire qui commence à ne plus avoir de limites, quoi. Mais en même temps, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'avec la facilité d'accès aux archives qu'on a maintenant, on peut réexhumer plein de pépites et de trucs. Putain, ils jouaient comme ça à l'époque, c'est ouf, j'ai envie d'essayer et tout. Donc on a aussi une exploration vers le passé qui est très instructive, quoi. Je te renvoie aussi, donc du coup, aux anciens contes à jouer, les jeux d'imagination, et notamment, il y a un article, en fait, il y a un internaute dont le pseudo c'est Wubu Palooza, qui s'est donné un peu pour mission de recenser des traces très anciennes de jeux sans MJ. On va avoir voilà, un peu des jeux de contes, des jeux d'imagination, pour certains qui datent de la Renaissance et tout. Et donc, c'est assez instructif de voir qu'il y avait des activités déjà un petit peu rôlistisantes quoi à l'époque. Je n'ose penser à ce que je sais, car ce savoir même m'enseigne l'horreur. Macbeth, acte 1, scène 3. Alors, a priori, on peut avoir des parties satisfaisantes sans maîtriser grand-chose du manuel de jeu invisible. Et d'ailleurs, on pourrait presque accuser ce manuel-là de scléroser les pratiques, hein. Donc, On peut aussi s'appuyer sur des jeux qui sont bien faits, c'est-à-dire qui vont mécaniser une partie du manuel de jeu invisible ou qui vont y substituer des principes qui sont censés être plus vertueux, quoi. Ou tout simplement, on peut jouer sans attente. J'avais fait un contenu qui s'appelait Pour jouer en détente, nique tes attentes, oui, Ami de la poésie. Alors, sur cette idée de jouer sans attente, enfin, sur l'idée d'attente, de verbaliser des attentes, j'ai trouvé un truc assez fou là. C'est la fiche de suivi de table. Donc, ça a été créé par Taros. Et donc, c'est une idée de. Et justement, c'est intéressant parce que les fameuses attentes, j'ai jamais vu. En fait, j'ai jamais vu formalisées comme ça. Donc, Taros a fait vraiment un effort de. En fait, au début de la partie, voici ce qui va être demandé aux joueurs. On a un petit tableau à remplir là. On a des gradations entre de. Tu peux graduer de 1 à 5, en gros, à quel point tu es impliqué dans ce truc. Vos attentes en jeu de rôle, vivre ou faire vivre des émotions, faire exister des moments de roleplay, faire évoluer la personnalité d'un personnage, voir la créativité des participants, .e.s, s'échapper vers et faire vivre un autre monde, aborder des questionnements moraux et éthiques, découvrir ou présenter un univers par le jeu, s'approprier et diviser l'autorité narrative, jouer dans un univers évolutif avec conséquences, quête initiatique et développement de personnages, construire ou vivre une bonne histoire ou scénario, présence d'énigmes physiques ou cognitives, créer un lien social, passer un bon moment, jouer avec le système de résolution, dessiner ou écrire quelque chose au cours du jeu, jouer à être autre que soi. Et donc, cette idée, c'est qu'au début de la campagne, de la partie, on va donner ce formulaire à chaque joueur qui va noter chacun de ses critères, grosso modo, de moins moins. Ça, je ne me reconnais pas du tout dans cette attente à plus plus. Ouais, cette attente, elle est vraiment très importante pour moi. Donc, bon, ça bat en brèche un peu mon idée que oui, mais tout est fluide, tout ça, parce que voilà, quand on a des choses aussi précises, tu vois, pour se calibrer en avance, ça fait un petit peu réfléchir. Donc bon, je t'ai dit qu'on pouvait jouer voilà sans manuel de jeu invisible pour plusieurs raisons, soit parce que on se contente en fait de la du système zéro, c'est-à-dire si tu dis que tu joues sans manuel de jeu invisible, c'est-à-dire je me contente de la façon de rôler de base, comme je cherche pas à aller plus loin dans les grandes pratiques et tout, ou parce que j'utilise un jeu qui mécanise beaucoup de choses ou des aides de jeu qui mécanisent, et voilà, donc du coup, on se repose plus sur le hard skill. Et là, quelque part, cette fiche d'attente, en fait, elle vient. Là, vraiment, cette fiche d'attente, c'est vraiment un cas d'école de. Je prends ce qui, d'habitude, est vraiment considéré que le soft skill, c'est-à-dire sentir la table, on va dire quoi, sentir ce que les gens veulent. Ça, c'est vraiment pur soft skill, enfin. Il dit, ben non, en fait, c'est du hard skill. Parce que regardez, moi je fais un formulaire, comme ça les gens ils me disent ce qu'ils veulent, et puis je fais ma tambouille avec. Intéressant. Alors, il y a des cas où, au contraire, on a besoin d'avoir une bonne maîtrise, une bonne mastery du manuel de jeu invisible, et c'est utile dans quel cas? Soit parce qu'on va jouer avec des jeux dysfonctionnels, des jeux tout pourris, et donc de toute façon, il va falloir les réparer un petit peu à la volée en jouant, donc. Voilà, il nous faut le MDGI. Enfin, je dirais MDGI, hein, parce que j'en ai marre de dire manuel de jeu invisible. Hein. MDGI, ça va beaucoup plus vite. Ou on peut avoir des jeux qui sont fonctionnels, mais qui sont peu adaptés à nos objectifs. Je te renverrai un compte-rendu. On avait joué à un jeu qui s'appelait Tombe et Oublie, qui avait beaucoup de règles, en fait. Et c'était pas un problème si on était prêt ou prête à jouer peut-être 4-5 heures avec le jeu, mais nous, on n'avait que 2 heures. Avec une ou 2 heures, donc ce qu'on a fait, on a dit, ok, ça cette règle-là, ça dégage, ça dégage, ça ça dégage, ça on va le gérer en freeform et tout. Du coup, on a réduit le jeu à une sorte de noyau primal et on a joué avec ça. Et en fait, c'est une soft skill en fait, hein, de bricoler les règles, tu vois, faire ce qu'on appelle du play design, bricoler les règles comme ça pour pouvoir jouer, c'est une soft skill quoi. On peut avoir besoin du MDJ si on a de hautes attentes. Par exemple, dans le jeu en performance, il y a une maxime qui est mon exigence et ma résistance. C'est-à-dire que on a une façon de jouer, notamment jeu en performance, ça reste plutôt au PJ, mais on a une façon de jouer qui est assez virtuose en fait. Et justement, le but, c'est de se colter à la virtuosité et de se fixer des barres et essayer de les atteindre, entre guillemets, quoi. Et donc, évidemment, c'est pas, voilà, c'est un jeu qui implique le recours, une façon de jouer qui implique le recours massif au NDJI, quoi. D'ailleurs, le jeu en performance, il y a tout un blog avec plein plein de conseils, tout ça, de réflexions et tout. Donc, on voit que c'est très... ouais, il y a beaucoup de skills à développer, quoi. On peut aussi avoir une grosse connaissance du MDJ et s'en servir pour la transgresser. Parce qu'on va subvertir, transgresser les codes et tout. Et donc, si entre nous, on n'a pas ce wink-wink, ah, tu sais, d'habitude, normalement, on est censé jouer comme ça, nous, on va faire exprès de jouer pas du tout comme ça. Ben voilà, ça marche pas, quoi. C'est référentiel comme façon de jouer. Et également, si on joue sans règles, ben paradoxalement, il faut avoir une grosse maîtrise du MDJI, c'est-à-dire être capable finalement de reproduire de façon fluide ce que ferait un bouquin. Voilà, ça implique une espèce de connaissance globale, tu vois, un peu noosphérique, effectivement, de c'est quoi le jeu de rôle, comment ça fonctionne le jeu de rôle, quoi. Alors, je dis pas que tu peux pas faire du freeform. Comme ça, à la volée, dans la cour de récré, quand t'as 5 ans et que tu comprends rien au jeu de rôle. Mais voilà, les pratiques, on va dire, adultes du jeu de rôle sans règles, en fait, c'est des pratiques qui sont en réalité assez érudites. Il y a des scènes ludiques qui valorisent particulièrement le recours au MDJI et aux compétences de joueurs. Donc, par exemple, on a l'OSR avec le player skill. On a le fameux pour MJ, donc en OSR, on a le fameux Tao du maître du donjon qu'on va retrouver d'ailleurs écrit dans Swords and Wizardry. Donc pour le coup, Swords and Wizardry va ancrer une partie du MDJI. Ce Tao du maître du donjon, on va aussi l'appeler, on va le trouver, avant il était présent dans un texte à part de Swords and Wizardry qui s'appelait le Quick Primer for Old School Gaming, ce qui veut dire comment débuter rapidement le jeu de rôle old school, quoi. Et donc, l'OSR, en fait, assez rapidement, va dire... Il y avait un manuel de jeu invisible dans les années 70. Voici ce qui a été écrit dedans. On va vous le dire, quoi. Voilà, voici comment il jouait sans vraiment l'expliquer, quoi. On va vous le dire. Mais après, c'est hyper vaste, l'OSR. C'est-à-dire que ça suffit... En fait, il y a plein de petits conseils en plus que juste les quatre Tao du maître de jeu. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc... Évidemment, quand tu progresses dans l'OSR, tu vas continuer à te renseigner sur la façon de faire et tout. Et donc, il y a vraiment cette activité dans l'OSR qui est importante de diguer le MDJI pour continuer à jouer, quoi. Le FKR, donc Free Respire Revolution, c'est bah, alors là, c'est hyper MDJI comme façon de jouer. Le jeu tactique. Parce que si tu veux, il y a plein de choses qui vont au-delà de la mastery des règles du jeu, quoi. Il y a, ben voilà, je sais pas, des trucs bêtes comme le donneur de mission, il y a 50% de chance qu'il soit en fait le méchant, et qu'il faut... Méfie-toi du donneur de mission. Tu vois, ça c'est pas du hard skill, c'est un truc qui est transversal à plein de jeux. Bon, dans Shadowrun, c'est quasiment 100% de chance, 100% de chance que le donneur de mission essaie de t'en... d'avoir, mais dans plein de jeux c'est présent, et ça c'est un truc bah c'est hyper MDJI, quoi. Il y a plein de règles tactiques, faut se méfier d'un PNJ trop sympa, je sais pas, si le MJ a fait une description longue, c'est que il faut bien écouter les descriptions parce que sans doute que c'est un endroit important, ainsi de suite. Je sais pas, si un PNJ a un nom, c'est qu'il est important pour l'enquête. Voilà, ça c'est du MDJI, de jeu tactique. C'est rarement écrit dans un bouquin, mais c'est un truc, ça se transmet de bouche de druide à oreille de druide, quoi. Le RP théâtral, évidemment, c'est très, très gourmand MDJI, puisque voilà, il y a tout un tas de techniques pour justement faire du RP théâtral. Le drama, voilà, aussi, je trouve que le drama, c'est bien joué en drama, il y a vraiment des skills à avoir, quoi. Alors, une petite note de Guillaume Rioux là-dessus. Je pense surtout que ce manuel de jeu invisible ne demande qu'à être écrit et réécrit à chaque table. Ça revient à établir le contrat ludique, encore du cola du flot. Et le contrat ludique, c'est antérieur et un peu plus circonscrit que le contrat social forgien. L'avantage, c'est qu'avec un contrat ludique, chacun peut jouer à plein potentiel en sachant ce qu'il peut faire, et ça évite les conflits d'interprétation au cours de la partie, parce qu'en fait, on a clarifié la majorité des points en amont. Clarifier va fluidifier la partie. Alors pour le coup, voilà, si tu veux du contrat ludique, ça, cette fiche de suivi de Taros, c'est typiquement ça, quoi. Après, note personnelle, en fait, ce contrat ludique, il a des limites, en fait. Et ces limites, c'est nos capacités cognitives, nos capacités de calibration. Pour paraphraser KF, nous ne sommes pas infiniment paramétrables. Et donc, en fait, oui, on peut se mettre d'accord sur certaines choses, on peut écrire certaines choses, mais on ne peut pas tout écrire, quoi. Et donc, on est obligé de se remettre à la fluidité et à la confiance pour quand même un grand nombre de savoirs joués qu'on va mettre en œuvre durant la partie. Et c'est sûrement durant la partie qu'on va vérifier que ce qu'on estime être un savoir joué, ça effectivement améliore l'expérience de tout le monde, ou au contraire, ça la dessert et on va adapter, tu vois. Et on peut pas, voilà, on peut pas se mettre d'accord sur tout dès le départ. Et même en cours de partie, tu peux pas demander la permission avant chaque move que tu fais, quoi. Il y a des moments où tu dis, bon, bah, j'ai joué de cette façon. Puis on va bien voir, quoi. Je vais demander pardon, pas la permission, quoi. Alors, comme dit précédemment, voilà, il y a eu de nombreuses tentatives de cristalliser le MDJI. Bon, moi, par exemple, j'ai parlé des 4 Tao du maître de jeu dans Sword and Wizardry. Donc, ces règles, on va cristalliser le MDJI sous forme de règles. Donc, on va les passer en hard skill. Par exemple, la carte X, au départ, c'était un outil qui relevait du MDJI. C'est-à-dire qu'il y a un gars, Stravopoulos, je crois, qui a écrit un article en disant moi, mes tables, j'utilise cet outil, ça s'appelle la carte X, ça permet d'apporter de la sécurité émotionnelle. Et puis, au fur et à mesure, c'est apparu dans certains jeux, en fait. Ça a été repris dans des jeux. Il y a des jeux qui ont dit noir sur blanc, bah voilà, utiliser une carte X, t'achètes pour l'arène, il y a carrément une carte X qui est contenue dans le paquet, ainsi de suite, quoi. Du coup, comme ça, le MDJI peut être importé sous forme de règles de façon brute ou adapté au jeu. Par exemple, avec un renommage immersif ou une diégétisation. Diégétisation, c'est quand on transforme une règle en élément narratif, ou en tout cas qu'on lui donne un nom un peu plus narratif lié à l'univers, quoi. Donc, bah, par exemple, dans Oriente, qui est un de mes jeux, c'est un jeu Milvaux, il n'y a pas de carte X, il y a une carte oubli. Ça remplit à peu près les mêmes fonctions que la carte X, c'est que ça permet d'annuler une scène, mais on peut considérer que c'est pas exactement la même chose, parce qu'en fait, on va oublier la scène. Elle s'est passée, mais tout le monde a oublié que c'est arrivé, quoi. Donc, il y a un peu une déformation pour les besoins de l'univers de jeu, quoi. Évidemment, ça, la boîte à outils du meneur de jeu, c'est une autre façon de cristalliser, de mettre le MDJI en conserve, quoi, grosso modo. C'est-à-dire que là, on a 800 pages sur comment maîtriser. C'est vraiment. Bon, à nouveau, pour paraphraser Guillaume Rioux, la loi d'exhaustivité, elle est quand même, on peut la prendre en défaut, mais il y a quand même, enfin, je vais avoir du mal à te trouver des conseils, enfin, je veux dire, 90% des conseils intéressants qu'on peut donner à un maître de jeu sont dans ce bouquin, quoi. Et le reste, après, c'est vraiment du polissage, quoi. Voilà, et en plus, il y a même un livre de 400 pages pour les joueurs, quoi. Donc, ils ont aussi cristallisé le MDJI des joueurs, quoi. Bon, il y a plein de littérature anglophone, il y a plein. En fait, des équivalents anglophones à ce bouquin, il en existe pas mal, hein. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on ne va pas s'en sortir, quoi. Moi, je me rappelle par exemple de Play and Save de Graham Walmsley, qui était un bouquin qui expliquait comment improviser en jeu de rôle, tu vois. On a aussi l'approche encyclopédique. Bon, bah évidemment, je suis obligé de te faire de la pub pour le wiki nonobstant, quoi. Cette idée de OK, tous ces savoirs, ils sont dispatchés dans la noosphère. C'est le bazar. Tu dois fouiller un article de 10 pages pour trouver une petite notion intéressante et tout. Donc, on va tout empaqueter en fait dans une encyclopédie avec des définitions un peu courtes, sourcées, des liens. Et voilà, Ça, évidemment, je pense que ça va beaucoup rapidifier ton accès au MDGI, quoi. Une encyclopédie telle que le Wiki nonobstant, ou d'autres encyclopédies en ligne, hein, il n'y a pas que le Wiki nonobstant. On a aussi ce que j'appellerais des écosystèmes de connaissances, c'est-à-dire des endroits où être compilés des articles, éventuellement également des podcasts, des vidéos, qui se répondent et qui globalement essayent d'avoir une approche la plus exhaustive possible du jeu de rôle. Alors, évidemment, je suis obligé de te citer Outsider, enfin, c'est-à-dire ce qui est produit sur Outsider, que ce soit par mes articles, mes podcasts, mes vidéos, enfin, tout ce que j'ai produit, eh ben, c'est une tentative, effectivement, d'avoir une approche exhaustive du jeu de rôle, quoi. Tentative sans doute vaine, sans doute vouée à l'échec, mais on y va quand même, quoi. Bien sûr, on est obligé de citer The Forge ou encore Places to Go, People to Be, qui sont aussi bah, des formes d'écosystème de connaissances au sujet du jeu de rôle, et qui donnent un accès. Évidemment, tout le MDGI n'est pas présent dans ces écosystèmes, mais disons que tu vas. Enfin, il y a quand même un effet un peu Nemo avec la puce, la pouf, je connais le kung fu, quoi. Il y a un accès un peu rapide, rapidifié, facilité, via ces écosystèmes de connaissances ou ces encyclopédies. Petite remarque de Guillaume Rioux. Je suis pas certain que les conseils OMJ ou les encyclopédies cristallisent. Ça nourrit des pratiques, mais s'il doit y avoir cristallisation, elle survient à la table, de manière partagée autant que possible. Je ne pense pas qu'on puisse se référer aux limbes d'une tradition flottante, au moins en France où l'hégémonie D&D est moins marquée qu'aux USA. Et donc les influences y sont très diverses d'une joueuse à l'autre. Par contre, dès que ça passe dans les règles, ça n'est plus invisible, mais ça rejoint le socle partagé par la table, sauf opposition explicite. Le livre de base servant généralement de support au contrat ludique qui sélectionne quelles règles sont appliquées et comment. Bon, je vais pas m'étaler sur là où je suis d'accord et pas d'accord avec Guillaume. Hein, après, le... Ah si, quand même, un petit point. Parce qu'on pourrait se dire, à un moment, ça a été vraiment le propos des jeux forgéens, puis des jeux alternatifs, enfin, en tout cas d'une partie de ces scènes-là, de dire, bah, nous, on va faire l'effort, effectivement, de faire des jeux qui sont complets et que tu n'as pas besoin d'une culture générale rôliste pour y jouer, quoi. Parce que tout est contenu dans les règles, et que t'as juste besoin d'appliquer les règles pour avoir une bonne expérience. En fait, moi, je pense que ça, c'est essentiellement une posture, et je ne suis pas certain que ce soit vraiment réalisé dans les jeux forgéens ou alternatifs. Je prends un exemple. Alors, c'est pas du tout un jeu forgéen, c'est plutôt un jeu alternatif, un jeu très récent, Aventure à Plumes. Et ben, dans Aventure à Plumes, les conseils aux MJ, aux joueurs, et ben, c'est très limité. Il y a être dessinatrice, 2 pages. Conseil aux joueuses, 2 pages. Et en fait, le jeu mise davantage sur des scénarios clés en main. Voilà. Tac, avec des petites situations à cocher. Il mise aussi sur la rapidité d'une partie. C'est-à-dire qu'on va jouer, allez, on va jouer 1 heure, 2 heures, quoi. Et donc, oui, les scénarios, il n'y a quand même pas beaucoup d'éléments. Enfin, un scénario, ça tient en une page à 5. Mais bon, vu qu'on va jouer vite fait, tu contentes de pick-up les éléments, et puis de les narrer rapidement, les résoudre juste après, et puis voilà, vogue la galère, quoi. Mais ça, c'était remarqué, mais en vérité, à juste titre, dans le podcast de la cellule sur Aventure à Plumes, disait, oui, bah, Aventure à Plumes, c'est un jeu, oui, court, condensé, mais qui fonctionne vraiment bien si la table a une culture. Eh bien, bande à Picsou, quoi, en gros, hein. Et si cette culture elle est pas présente, bah, par exemple, dans la partie de la cellule, il y avait 2 joueurs qui connaissaient pas la bande à Picsou du tout, eh ben, ça leur a été impossible de prendre le rôle de MJ, en fait. Ils se sont contentés de leur personnage, parce qu'ils estimaient que j'ai pas assez les codes pour maîtriser dans le style bande à Picsou. Et en fait, on a presque un double problème en fait avec cette idée de socle culturel qu'on a ou qu'on n'a pas, et que en fait, il n'y a jamais assez de place dans un manuel pour transmettre le socle culturel. C'est que même si, tu vois, moi, si tu veux, moi, j'estime que quand même, il y a assez de matériel dans Aventure à Plumes pour faire des histoires un peu crari bande à Picsou, et qu'il n'y a pas besoin de connaître la bande à Picsou. Cependant, ça me paraît assez évident que les joueurs qui n'ont pas cette culture à bande à Picsou vont même pas oser regarder en fait à quoi ça ressemble les outils de MJ. Ils vont se dire tout de suite, non mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, je connais pas la bande à Picsou. Tu vas dire, non mais t'inquiète, tout est expliqué et tout. Non, non, non, non, non, je le sens pas, j'y vais pas, quoi. Et donc il y a cette idée que même si on fout, en fait, il y a le MDJI. En fait, il fournit un truc que aucun livre ne peut pas fournir, c'est la confiance. La confiance et le sentiment de légitimité. Je suis désolé, j'ai un peu l'impression de tenir un discours élitiste. Élitiste, c'est pas mon but, mais il y a un peu de ça quand même, malheureusement. Ok, je suis en train de phaser. Donc voilà, cette idée que même si le bouquin fournit le matériel, ben si on ne sent pas la confiance parce qu'on n'a pas le socle culturel, eh ben on va même pas oser accéder à ce matériel, on n'utilisera même pas les outils qui sont présents, on passera son tour. Donc, bien sûr, j'en étais où? Si quelqu'un a une haute maîtrise du MDJI, bah, c'est plutôt bien, mais il faut que ça se fasse au service de toute la table. C'est-à-dire que tu dois pas, ça doit pas être un outil pour gagner la partie, par exemple, sauf en jeu tactique et encore, parce que si en jeu tactique tu utilises ton MDJI perso, tu vois, pour gagner le scénario, mais que à cause de ça tu as un effet leader, c'est-à-dire qu'il explique à tous les autres PJ ce qu'ils doivent faire, ou que tu tombes dans ce qu'on appelle le rules-lawing, c'est-à-dire qu'en fait tu gagnes en expliquant à MJ que tu connais mieux les règles que MJ et que du coup, voilà, il faut qu'on fasse comme ça et tout. Bah, en fait, c'est une utilisation un petit peu. Ça peut être une utilisation un peu toxique du MDJI, quoi. Voilà, c'est bien d'avoir le savoir, d'avoir peut-être plus de savoir que le reste de la table, mais il faut l'utiliser sciemment et donc, en fait, il faut presque un peu le percoler, quoi. Évidemment, c'est également toxique si tu sers du MDJI pour gatekeeper la façon de jouer, dire non mais vous jouez pas bien, c'est comme ça qu'il faut jouer. Ou tout simplement si tu te poses comme élite condescendante, quoi. D'ailleurs, si tu... C'est très intéressant, là j'ai eu l'occasion récemment, je crois que j'en ai déjà parlé, d'être à une table d'initiation. J'étais le seul PJ qui avait d'expérience, et à côté de moi j'avais que des joueurs qui n'avaient jamais joué. Qui se posaient beaucoup beaucoup de questions, voilà, qui étaient en difficulté face à des trucs que pour ma part avaient été résolus depuis longtemps. Bah, c'était intéressant d'être dans cette position-là et de voir comment je peux faire pour un peu aider, mais pas non plus tirer toute la couverture à moi ou faire le prof. Et puis tout simplement, voilà, je pense que c'est quand tu as beaucoup de bouteilles, je t'envoie la vidéo, ce que les noobs peuvent m'apprendre sur le jeu de rôle. De temps en temps, va à l'étape d'initiation. Faut pas le faire trop souvent parce que l'étape d'initiation, s'il y a que des MJ, s'il y a que des joueurs aguerris à la table, ben c'est un peu du gâchis quoi. Mais de temps en temps, inscris-toi sur une table d'initiation pour voir ce que ça refait de jouer avec des gens qui n'ont pas ce fameux MDJ. Donc, quand tu as une bonne maîtrise du MDJI, il vaut mieux se poser en transmetteur, voilà, il ne faut pas non plus gaver la table d'infos, donc on percole l'information, voilà, qu'en dominataire ou en critique. C'est-à-dire que c'est pareil, le problème avec les joueurs qui ont un gros MDJI, c'est le fameux débriefing en disant « Ouais, ce jeu n'était pas terrible, cette partie n'était pas terrible, j'ai connu mieux, j'ai fait mieux, j'ai vu mieux. » Ouais, bon, bah ok, merci de nous casser merci de nous casser notre plaisir, voilà. Ne cherche pas à savoir plus que ce que tu peux supporter. Macbeth, acte 1. Je vais finir avec un long commentaire de Guillaume Rioux. Je vais pas le faire en mode lapin crétin parce que tu vas péter un câble. On fait en mode lapin crétin ou pas? Allez, on fait en lapin crétin. Il y a un vrai sujet concernant le rapport aux règles dans le monde rôliste, notamment avec une vision souvent clivée des règles d'un côté, avec les systèmes génériques notamment, et de l'univers de l'autre, ce qui a donné lieu très tôt à des chimères, des associations d'un univers issu d'un jeu à un système issu d'un autre, Cette pratique ouvre directement la voie à des hybridations de règles. Lorsqu'une règle originale semble fortement liée à l'univers, il est assez logique de la conserver et l'intégrer quand on transpose l'univers à un autre système de règles. Cependant, dans une large partie des jeux indés, la forte cohérence réduit la distance entre règles et univers, notamment quand la logique de l'univers sert de support de résolution. À ce moment, l'hybridation devient plus difficile, car règles et univers se soutiennent. Par exemple, dans le sens, c'est un univers déterministe, et donc il vaut mieux utiliser le système de résolution déterministe de type karma qui est proposé dans le jeu, plutôt que d'y substituer un autre système qui serait basé par exemple sur le hasard. La complexité des premiers jeux de rôle est peut-être à l'origine de ce clivage. Les joueuses ne voulant pas se réapproprier un autre système pour des risques de confusion entre les différents jeux. Cette adaptation d'un jeu vers un autre système a sûrement favorisé la notion de règles partagées, traditionnelles. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'un MDGI unique. Je vois plutôt les choses ainsi. Chaque rôliste a un fond de mécanique de résolution, de jurisprudence survenue en partie, de style de jeu, etc. Et lorsqu'il rencontre une situation non ou mal définie par les règles ou le cadre explicite, il puise dedans pour apporter une solution. C'est comme l'expérience de métier. S'il y a MDGI, je pense qu'il est individuel, bien qu'il puisse y avoir des recouvrements, puisque les rôlistes ont partagé des lectures et des expériences similaires. Mais en creusant, il y a probablement autant de différences que de points communs entre les manuels de chacun, et surtout, ce manuel n'est pas gravé dans le marbre. Je pense qu'il évolue, il s'adapte en fonction des environnements et au cours d'une vie de rôliste. Donc, comment transmettre ? Le plus efficace, c'est sûrement en jouant, tout simplement. Ensuite, les rapports de partie, commentaires, théories permettront d'ajouter à l'océan où chacun vient puiser. Mais je ne pense pas qu'un seul rôliste puisse embrasser l'étendue de toutes les pratiques, méthodes, etc. Donc, il n'y a pas de MDGI partagé universel. Par contre, il y a souvent une nécessité de méta-règles pour encadrer la narration, en partie de JDR, ces règles devant être validées par le groupe, ce qui s'apparente, à mon avis, au contrat ludique de Duflo et s'applique à beaucoup de jeux. Cependant, la dimension moins matérielle du JDR rend simplement ces règles supplémentaires plus nécessaires que dans des jeux très matériels avec un nombre d'options de jeux plus limité. Eh bien voilà, on est dans les records de durée de vidéo. Finalement, j'ai pas voulu fragmenter, parce que je pense que c'est un tout. Toute façon, c'est quand même, voilà, cette notion, je pense que c'était une grosse notion de théorie bien lourde. Et donc, de toute façon, ça s'adresse peut-être à la fraction la plus hardcore de cette audience. Si tu aimes les contenus hardcore, celui-ci était fait pour toi. Et on se dit à la prochaine pour, j'espère, quelque chose d'un petit peu plus court. Je ne sais plus de quoi. On va parler de fiction panier. Voilà. Allez, ciao.